tes cris, tes désespoirs. Il y avait ton sourire, tes envies, tes soupirs. Il y avait ton toucher, tes orgueils, tes pitiés. Il y avait dans ton sang, tes savoirs, tes enfants. Tes savoirs, tes enfants. Je perds notre souvenir, celui de nos délires. Je perds de ma mémoire et c'est plus en plus noir. Je ferai tout pour le garder, quitte à en crever. Si je n'y arrive pas, je ne te mérite pas. Je ne te mérite pas. Il y avait tes cadeaux, tes joies et tes mots. Il y avait nos silences, nos angoisses, nos confiances. Il y avait nos débats, nos blessures, nos tracas. Il y avait nos vacances, nos bonheurs, nos chances. Nos bonheurs et nos chances. Je perds notre souvenir, celui de nos délires. Je perds de ma mémoire, c'est plus en plus noir. Je fais tout pour le garder, quitte à en crever. Si j'y arrive pas, je ne te mérite pas. Non, je ne te mérite pas. Il y avait mon âme, mes yeux, mes larmes. Il y avait ma présence, mes rêves, mon enfance. Il y avait ton secret, tes douleurs, tes regrets. Il y a mon avenir, mes ennuis, tes élixirs. Mes ennuis et tes élixirs. Je perds notre sourire, celui de nos délires. Je perds de ma mémoire et c'est plus en plus noir. Je ferai tout pour le garder, quitte à en crever. Si j'y arrive pas, je te mérite pas. Oh, je te mérite pas. Non. Papa, papa. Je ne mérite pas.